Bahamas. Let's go crazy, let's go crazy. Come down and go to Bahamas, come down and go to Bahamas. Connu la secte des Bahis. Cette groupe sans reproche. Donc bien sûr, je m'approche. Donc bien sûr. Bahis, Bahis, Bahis, je Bahis, je bats ici, je bats ici. Donc c'est là je ma déesse. Ton lit à une place et demie en buvant une pression. Et je t'ai fait une chanson, déjà 3 ans, je la fredonnais. Elle est des nôtres, elle a bu son vin comme les autres, c'était côté du pinard arabe, il va passer. Mais on l'a dégueulé.